Jean Bosco, Douiman. Bonsoir à vous tous et bienvenue à cette dernière édition du Journal Parlé en français pour ce 25 janvier 2018. Voici les grands titres. Le dialogue social a débuté ce matin autour de la contribution pour les élections à venir. Trois ministres du gouvernement ont rencontré des représentants des syndicats des travailleurs. On fera le point dans ce journal. Et le nombre de réfugiés congolais fuyant les combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les combattants Maïmaï se gonfle d'heure en heure. À la mi-journée ce jeudi, ils se comptaient à près de 3500. Dont plus de 2000 enregistrés à Rumonge et le reste à Makamba. Un des réfugiés présente même déjà des signes de choléra dans le site de transit de Mugerama à Makamba. Le gouverneur de Rumonge en appelle à une aide humanitaire urgente pour ces femmes et enfants à majorité qui manquent presque de tout. Et nous sommes à deux jours du triste cinquième anniversaire de l'incendie ayant ravagé le grand marché central de Bujumbura. Depuis le 25 janvier 2013, en effet, ce qui reste de cette infrastructure jadis poumon de l'économie nationale offre un spectacle désolant des saletés autour de lui et des arbustes qui commencent à y pousser par endroits. Reportage à suivre dans cette édition. Et le secteur minier pourrait relancer l'économie burundaise s'il était transparent. Le président de l'organisation Parsem trouve que pour plus de traçabilité, les gestionnaires devraient rendre publics les contrats signés par l'État burundais et les sociétés d'exploitation des gisements miniers. Voilà pour la charpente. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonsoir. Près de 3500 réfugiés congolais et burundais qui disent fuir des combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les combattants Maïmaï ont été reçus au port commercial de Rumonge ce jeudi matin. Un des réfugiés serait déjà atteint de choléra dans le site de transit de Mugerama à Makamba. Le gouverneur de Rumonge, Juvenal Wigirimana, demande à toute âme charitable capable de venir en aide à ces réfugiés, constitués surtout de femmes et d'enfants, qui continuent d'affluer vers le Burundi via Nyanzalak et Rumonge depuis l'après-midi de ce mercredi. Le secteur minier au Burundi doit être transparent pour créer une véritable valeur ajoutée en faveur de la population. Faustin Dikoumana, président de l'organisation Parole et Action pour le changement des mentalités, Parsem, propose entre autres la publication des contrats d'exploitation ainsi que le financement d'autres secteurs porteurs de croissance à partir d'un fonds ressources naturelles. Dans une conférence de presse ce jeudi, le président de l'organisation Parsem en a appelé à une bonne gouvernance dans le secteur minier. Suivez-le. Nous demandons ceci comme préalable. D'abord la transparence. La transparence est centrée à bien identifier ces industries extractives, ces multinationales. Des fois, animées par un intérêt personnel, il faut les identifier. Quelle est leur passé, expertise, expérience, notoriété, le processus de sélection pour éviter les choses qui se passent dans l'opacité. Vraiment, les contrats en matière d'exploitation des ressources naturelles sont des contrats qui exigent vraiment une connaissance profonde. Ces multinationales sont bien outillées. Il faut aider nos pays à ne pas signer des contrats déséquilibrés pour leur stabilité. Troisième, publier ce que vous payez. Les multinationales ou les entreprises extractives doivent publier ce qu'elles payent par rapport à cette exploitation. Et le gouvernement aussi s'engage à publier ce qu'il a reçu. Aussi, gage de la transparence et l'adhésion à l'ITI, initiative de transparence des industries extractives. Voilà, c'était Faustin Dikoumana pour qui il faut une bonne gestion des revenus du secteur minier et penser à la protection de l'environnement. Suivez-le encore. Deux, c'est la bonne gestion des revenus du secteur. D'abord, les institutions habilitées doivent jouer leur rôle. Il y a l'agence de régulation qui doit donner l'assistance technique, qui doit jouer le rôle d'interface entre l'autorité politique et ces multinationales. Il faut qu'il y ait une synergie d'action entre, par exemple, le ministère d'énergie, des finances, l'OBE, la banque centrale, la BRB, le ministère de l'environnement, pour avoir une synergie vraiment de contrôle, pour qu'il y ait une traçabilité réelle des devises qui proviennent de ces extractions. Il y a aussi la création des fonds souverains pour bien identifier la contribution de ce secteur dans le développement économique. Aussi, orienter ces fonds dans des secteurs porteurs de croissance pour que ça ne désarticule pas la structure macroéconomique telle qu'elle était.

Sahara et d'autres disent qu'ils le savent, mais qu'ils ont constaté que ces bouteilles ne sont pas à jeter parce que bénéfique c'est l'ONU. Que les bouteilles en plastique sont utilisées une seule fois, nous n'en savons pas grand-chose. Si elles sont à usage unique, nous ne voyons pas d'autres récipients. Nous entendons souvent qu'elles sont à usage unique. Pourtant, elles nous sont très utiles. Elles nous servent de récipients. Nous ne pouvons pas les jeter. Ces commerçants indiquent que s'il s'avérera nécessaire, ils sont prêts à rompre avec l'utilisation de ces bouteilles en plastique dans la conservation et la commercialisation de l'huile. Merci Gertrude. La bonne production caféicole de cette campagne en province Ngozi risque d'être touchée par deux maladies, dont l'anthracnose, qui ont atteint cette culture. La Fédération des caféiculteurs de la province Ngozi dit être inquiétée par le manque de produits phytosanitaires dans les stocks de cette province et demande par conséquent au gouvernement, par le biais du nouveau projet de revalorisation de la filière café, de trouver une solution à ce problème. Apollinaire Muzagara. Les maladies qui menacent les plantations de caféiers sont l'anthracnose et la cochenille. Cette première maladie attaque surtout les graines de café, pourrissent et finissent par tomber. La seconde fait que tout ce qui se trouve sur le caféier prenne la couleur noire. Comme l'indique le conseiller technique au sein de la Fédération des caféiculteurs d'Ngozi, les maladies menacent plus les communes de Mumba et Tangar, ce qui risque, selon l'ingénieur Rambe Nunzumwe, d'affecter la production de café de cette campagne qui s'annonce une production qui pourtant était bonne en province Ngozi. Le président de cette fédération des caféiculteurs d'Ngozi, François Nambila Kage, parle d'une situation inquiétante car la province Ngozi ne dispose pas de médicaments pour faire face à ces malades. Le président de cette fédération et son conseiller technique demandent par conséquent au gouvernement de chercher ces médicaments par le biais du nouveau programme de revalorisation de la filière café, un programme exécuté conjointement avec la Banque mondiale. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous l'avais dit dans les titres, les contributions aux élections de 2020 ont été demandées par les citoyens burundais lors du dialogue interne organisé par la CNDI. Le gouvernement n'a fait que mettre en application cette volonté du peuple. Le ministre de l'Intérieur l'a dit ce jeudi lors de l'ouverture du dialogue social entre trois ministres du gouvernement et les représentants des syndicats des travailleurs du Burundi au sujet des contributions au processus électoral. Et c'est au moment où ceux qui représentent ces syndicats ne cessent de demander haut et fort que ces contributions soient volontaire, comme l'indique l'ordonnance ministérielle conjointement signée par le ministre de l'Intérieur et celui des Finances. Les détails avec Evariste Nzikoanyana qui a suivi l'ouverture de ce dialogue social. Au cours de ce dialogue social ouvert ce jeudi, les représentants des syndicats ont mis l'accent sur les irrégularités qui entourent les collectes de ces cotisations qu'ils jugent forcées au moment où l'ordonnance ministérielle parle des contributions à caractère volontaire. Le président de la Confédération des syndicats du Burundi, Tarsis Gahungu, a voulu savoir le coût total que le gouvernement veut collecter pour financer le processus électoral. Personne n'est contre les contributions aux élections, c'est une bonne décision. Vous avez dit que ces contributions sont volontaires, nous sommes tout à fait d'accord. Mais dans l'article 4 de l'ordonnance, vous précisez l'argent que tout un chacun est appelé à donner, ça dépend de son salaire. J'aimerais savoir combien vous comptez collecter, le gouvernement combien et quelle période va durer cette collecte. Le ministre des Finances n'a pas mâché les mots. Domitien Ndéokoubgayo a indiqué que son financement n'est pas encore comptable, mais que l'équipe technique est à l'œuvre. Je vous dis que je n'ai pas une réponse à cette question pour le moment, mais on est en train de faire des calculs. Les histoires des élections, ce ne sont pas des choses qu'on met dans la machine et avoir des précisions automatiquement. L'on doit se rendre compte de l'état des lieux du matériel utilisé au cours des élections antérieures et remplacer celui qui est en mauvais état. Après ces calculs, rien ne nous empêchera de communiquer la somme que va coûter les élections. Une autre préoccupation soulevée par les syndicats est de savoir si ces contributions seront imputées sur le salaire net ou sur le salaire brut. Le ministre Pascal Ibarandaguié a donné des précisions en expliquant qu'une erreur s'est glissée à l'article 4 de l'ordonnance. L'article 4 parle de barème salarial. Il y a ceux qui se demandaient si les contributions allaient être imputées au salaire net ou au salaire de base. C'est pour cette raison que nous voudrions donner aujourd'hui des éclaircissements. Dès aujourd'hui, l'expression barème salarial s'entend dans le sens de salaire net. Il y a salaire net. Au sein de la Confédération syndicale Kossibou, l'idéal serait de suspendre les retraits de ces contributions sur les salaires des fonctionnaires en attendant que ce dialogue social aboutisse sur un compromis. Les trois ministres, à savoir celui de l'Intérieur, celui des Finances et celui de la Fonction publique, ont promis aux représentants des syndicats la poursuite de ce dialogue. Mais le ministre Ibarandaguié a indiqué ce jeudi que la collecte de ces cotisations aux élections de 2020, c'est une demande de la population burundaise qui a participé au dialogue intérieur organisé par la CNDI. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les grands titres pour vous dire que le dialogue social a débuté ce matin. Venez de le suivre sur la contribution pour les élections à venir. Trois ministres du gouvernement ont rencontré des représentants des syndicats des travailleurs. Et le nombre de réfugiés congolais fuyant les combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les combattants Maïmaï se gonfle d'heure en heure. À la mi-journée ce jeudi, ils sont comptés à près de 3500, dont plus de 2000 enregistrés à Rumonge et le reste à Makamba. Un des réfugiés présente déjà des signes de choléra dans le site de transit de Mugerama à Makamba. Le gouverneur de Rumonge en appelle à une aide humanitaire urgente pour ces femmes et enfants majoritaires qui manquent presque de tout. Et nous sommes à deux jours du triste cinquième anniversaire de l'incendie ayant ravagé le grand marché central de Bujumbura depuis le 27 janvier 2013. Ce qui reste de cette infrastructure jadis poumon de l'économie nationale offre un spectacle désolant de saleté autour de lui et des arbustes qui commencent à y pousser par endroits. Et le secteur minier pourrait relancer l'économie burundaise s'il était transparent. Le président de l'organisation Parsem trouve que pour plus de traçabilité, les gestionnaires devraient rendre publics les contrats signés par l'État et les sociétés d'exploitation des gisements miniers. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Jean Dodieu, Ndaï Senga pour la mise en onde de micro, Jean Bosco, Ndouimana. Nous vous souhaitons de passer une bonne soirée à l'écoute de nos programmes.